On fait de la moulage et du talent. La bitch me contre nonchalant. Comme Manu le coq, j'ai mon canon. Si je gagne le bolide mes chalons. Le métal va t'étaler direct. Si tu veux pas nous voilà dans les temps. En douesse, la tire en finesse. Mauvais boy, j'suis venu pour gâter le coin. Allez, bois! Je tout cassé sur le 30, je peux pas parler, bébé. Ah, tu me connais, c'est ton besoin. Switch, je mets ton panier direct. Pour finir ce qu'on a commencé, c'est la fin qu'on a remonté. C'est pas semblant, tu me reconnais. Bonnie, donne-moi dans la vie, je me sens comme un étranger. Je suis seul en étant. Et j'ai ramené la guitare parce que tu me faisais chanter. C'est moi l'artiste. À la base, moi j'étais un bon, mais ils m'ont rendu mauvais. Moi j'étais un bon, mais ils m'ont rendu mauvais. C'est nous les mauvais, hey. Yo, sweet. Mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, toi, qu'est-ce que tu veux. Elle veut ma CV, le sang coule en peine. Qu'est-ce que tu veux, toi, et toi. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, toi, qu'est-ce que tu veux. Elle veut ma CV, le sang coule en peine. Qu'est-ce que tu veux, toi. Sur la table, les colonnes, tellement j'ai dedans, maintenant j'suis mal à l'aise. Faut pas bégayer quand j'suis devant ta fesse. J'y l'ai tombé sur ma trop de haine. Ça c'est facile, c'est mon yo. C'est mon jeu. Ça c'est facile, c'est mon yo. C'est mon jeu. Faut pas mentir sur mon nom. C'est mon entrée en slow mo. Sorti la CD, gamin. La porte aux détails, c'est plus pour nous. J'connais bien l'idée d'un homme. Et aussi des brigades chez nous. Mon col doit éviter les fautes. J'sais qu'en face, ils ont trop la boco. Autrement monte à l'assaut. J'ai travaillé mon style et mon flow. Évidemment dans la vie je me sens comme un étranger. Je suis seul en étant. Obligé de sortir la guitare parce que tu faisais chanter. C'est mon artiste. A la base moi j'étais un bon mais ils m'ont rendu mauvais. Les mauvais. A la base moi j'étais un bon mais ils m'ont rendu mauvais. C'est nous les mauvais. Yo, sweet. Mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Elle veut ma CV, le sang coule en peine. Qu'est-ce que tu veux, toi. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux.